L'actualité à Nancy et ailleurs. La traditionnelle fête de l'oie de Dommartin-les-Touls revient cette année. Rendez-vous pour cela le dimanche 10 juillet. Isabelle Mouilleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association de la fête de l'oie. Et donc, après 2 années annulées cause Covid, la fête de l'oie revient. Et après l'époque médiévale, c'est au Far West que vous allez nous envoyer, c'est bien ça ? Tout à fait. On revient de l'époque de médiévale, donc il y a 2 ans, comme vous dites. Et puis là, cette fois-ci, nous aurons des cow-boys, un petit peu toutes des animations Far West, des choses qui changent un peu d'époque et de lieu, du coup, parce qu'on passe en Amérique. Effectivement. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix du Far West après l'époque médiévale ? Tout à fait par hasard, en fait. On s'est concerté entre tous les membres de l'association, puis on a fait le thème Far West. Mais c'est vraiment un hasard. Comment vous avez imaginé cette journée ? Déjà, ça commence très tôt, alors, parce qu'il y a le vide-grenier dès 6 heures le matin, oui, c'est ça ? Nous avons un vide-grenier qui commencera à partir de 6 heures du matin. Et de toute façon, toute la fête de l'oie dure de 6 heures du matin à 18 heures. Donc, vide-grenier. Après, à partir de 8 heures, à peu près 8-9 heures, nous avons le marché artisanal où nous avons un peu plus de 40 artisans, on va dire locaux et ou du Grand Est maximum. Et puis après, nous avons beaucoup d'animations qui sont dans le parc, comme d'habitude, avec la restauration et les jambons à la broche. Nous avons également une chanteuse country, Tolly, qui apparemment est très connue des danseurs country. Ils vont être ravis de la retrouver. Nous avons aussi toujours nos jeux d'enfants habituels, les petits jeux de kermesse pour les enfants. Et dans tout ce qui est grosse animation, nous avons pris un taureau mécanique, donc ça va plaire aux plus grands, je pense. Nous avons aussi les spectacles cow-boys un peu avec une troupe des Bucaros qui vient donc pareil nous faire quelques petites démonstrations. Nous avons un gros château gonflable, enfin un genre de saloon gonflable pour les enfants. Toujours les poneys de Velaine qui viennent avec le thème Far West, donc ils vont leur faire une petite animation dedans aussi. Oui. Et puis bah, notre tiercé de l'oie habituel, bah, toujours nos oies à récupérer sous le bras. Parce qu'une fête de l'oie sans oies, ce ne serait pas une fête de l'oie. C'est pas alors, possible. On peut peut-être rappeler en 2 mots pourquoi ces oies. Alors, ces oies, c'est vraiment une histoire au moment de la guerre, où c'était les oies qui prévenaient un peu quand l'ennemi arrivait. Donc, oui. Tout vient de là. D'accord. Qui dit Far West dit danse country. Eh bien, vous allez avoir quelques troupes qui seront là. Tout à fait. Nous avons 2 troupes de danse country du Toulois qui viendront danser. Nous avons la troupe du Barin's Club et la troupe du Country Boots qui viendront danser donc avec notre chanteuse Tolly et en plus dans les rues. Ça invitera les gens, les visiteurs à participer également voilà, à ces danses. Voilà, à participer. Tout à fait. Donc, ils pourront danser avec eux. Ça les entraînera un petit peu à prendre quelques pas de danse country. Alors, vous êtes présidente de l'association. Vous n'êtes certainement pas toute seule pour organiser un tel événement. Oh, combien non. Vous êtes? On est à peu près 80 bénévoles, voire peut-être un peu plus. J'ai encore pas fait le compte parce qu'il y en a beaucoup qui se sont rajoutés. Il y avait une attente des bénévoles aussi, peut-être pour cette grande fête. L'attente est plutôt des gens qui vont venir se promener, je pense. Les bénévoles, il a fallu un petit peu les remotiver. C'est vrai. Parce qu'eux ouais. avaient envie de profiter de la fête, en fait. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais ils se sont tous bien réactivés, on va dire. Donc, vous donnez rendez-vous bien aux visiteurs qui viendront bien s'amuser à l'époque oui. du Far West à Dommartin-les-Touls. Ça se passe où à Dommartin-les-Touls ? Où est-ce qu'on vous trouve facilement ? Ça se passe dans la cour de l'école et puis il y a tout un circuit, on va dire, qui fait un peu comme un cercle qui sera dans le village à partir de l'école primaire. On vous souhaite quoi pour cette édition alors ? Écoutez, que tout le monde vienne danser aussi avec les 2 troupes de country, ça serait bien, dans les rues, ça serait top. Oui. Et puis qu'on ait un maximum de monde, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rendre visite. Et ils verront qu'ils ne seront pas déçus. Il y a beaucoup de choses à voir et à participer. On peut retrouver les infos peut-être éventuellement si on veut s'organiser sur cette journée. Alors, vous pouvez voir un petit peu tout sur la page Facebook de l'association Fête de l'Oie. Il y aura toutes les infos si vous cherchez le programme de la fête, en gros, les heures, du tiercé de l'oie, des manifestations dans le jour J. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est formulaire d'inscription qui peuvent se retrouver sur le site de la mairie de Dommartin-les-Touls. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Isabelle Mouilleron. Je vous remercie. C'est moi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.